bonsoir, bonjour, bienvenue dans le secret du son d'abat, 2.13, bonsoir monsieur Melon. Salut Grégoula. Bienvenue pour de nouvelles aventures. On commence tout de suite par une grosse tranche de hip-hop. Il y a avoir beaucoup de hip-hop dans les émissions, dans cette première édition, dans cette 2.13, c'est TCM dans le secret du son d'abat avec... Alors c'est le morceau Urban Warfare, on retourne au début des années 90, tu vas voir ça, c'est la glorieuse époque où le hip-hop et le breakbeat se fondent en un seul mouvement qui va devenir ce qu'on appelle d'abord le hardcore UK et puis très vite la jungle. Donc le morceau s'appelle Urban Warfare, c'est l'époque où on n'hésitait pas à sampler à gogo et ça sonnait bien. TCM dans le secret du son d'abat. Justin, two founding members of the 1985 underground movement TCM, known only by the pseudonyms Chase and Halo, were released yesterday in Buckingham Town, together with known accomplices MC Iceki, Sin One, Task, Chaos and Quest. Also released, believed to be linked with the movement, were DJ Dest, CMD, Demo, and FaZe. There have been reports that DJ Spats, currently wanted for illegal beat construction, has been collaborating with MC Iceki, the lyrical vigilante, and DJ Halo, the hip-hop tactician. Try with a little bit of rhythm this time. Go! Now revolutionary tactics blend the soul in criminal practice. It takes time, time in the construction of the rhyme, the criminal mind in effect. Urban warfare, a lyrical showdown, a rumble in the jungle meets trouble in your town. Out in force, stirring up the public, riots in the upsurge, things are getting hectic. Take control, take charge in the commotion. A strong island amid a human ocean. Deploy the troops, spread the word, makes your heads turn. On the decks, who's in charge when the wheels burn? My man Halo, dropping the beat, you know. SBATTS. I'm on my own, cause no one can touch me. The top killer, Iceki, the vigilante. I say the word and the hit squad does form. No need to say to my DJ, transform. Niggas are older when I listen to my text. Hail up on the decks, get vexed. Bruh! TCM dictate with the vocals. Call the boys, call the posse, hold the phone calls. Cause strict radio silence is in force. No airplay to disrupt the battle course. Info flow as we roll onto the scene. Make some noise as we crank the war machine. The sights set and the lines are drawn. Time to choose between two sides of coin. Right or wrong to deviate from the program. It's no harder for you or the next man. It's just a matter of pride and dignity. Survival easier in fiction than reality. I know back to every mortal life in combat. A quick slice to make sure that your attention stays stuck up on the decks. Hail up on the decks, get facts. Said it couldn't be done, but we did it. Can you handle this? Are you with it? Rock! Hip-hop attack decisions. Hip-hop attack decisions. Your broadcast system. Want you to know that it sounds wicked. Good news, bosses. The big alert has been called on. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. I guess the only thing we can do is play you a song. TCM dans le secret du son d'Abbas. Qu'est-ce que c'est ça, Monsieur Melon? The Criminal Minds. The Criminal Minds, c'est un vieux combo de 1985. C'est DJ Allo, DJ Spatz et MC Ice Key, ressorti des tiroirs par le label Reflex, qui aime bien de temps en temps nous gâter avec des petites vieilleries comme ça. Alors c'est marrant. Excellent. Parce que ils nous ressortent finalement des morceaux qui datent de l'époque de la création même du label Reflex, hein. On va dire tournant des années 80, début des années 90. Donc ça sort en double compil CD si je ne m'abuse, et puis deux vinyles pour les amateurs, les puristes. Voilà, donc phrases rythmiques primitifs, amen break à gogo, sample qui mélange à la fois les racines dub et les hymnes pompiers, des scratch assassins, du rap rentre dedans. Voilà, c'est toute la recette de cette époque là qui donnera, en s'accélérant un poil, comme je le disais tout à l'heure, la jungle anglaise et puis plus tard le drum and bass. Excellente compilation en tout cas sur Reflex. On poursuit avec vous savez, hein, le secret du son d'Abbas, c'est Terre de Contraste, avec un premier extrait en avant-première du nouvel album de Narrows. Narrows, c'est tout simplement l'ancien et génial chanteur de Butch, Dave Verhoeven, avec Ryan Frederiksen, le guitariste de This Arms and Snakes, défunt. Guitariste de This Arms and Snakes, et on retrouve aussi le bassiste. Guitariste qui est défunt ou c'est le groupe? C'est le groupe. Ah, tu m'as fait peur. Ouf. Bassiste Rob Maron, qu'on a vu dans Unbroken, Some Girls, pour toute la scène de San Diego, et puis un batteur assez génial. Alors, la particularité du groupe Narrows, là vous avez bien compris que c'était plutôt des gars sur la côte ouest américaine qui ont marqué du fer rouge la scène post-hardcore des années 90 début 2000, et bien ils sont associés avec un anglais, c'était le cas sur le premier album, c'est le cas pour le deuxième album. Il s'appelle Jody Cox et il a joué dans un génial groupe qui s'appelle les Bullet Onion, une sorte de Fugazi, Drive Like Jehu, voilà, et qui vit à Londres. Et il compose par Skype, par studio interposé depuis le début du groupe. Et cet album, c'était pareil, session d'enregistrement outre-Atlantique, on va dire, à travers l'Atlantique. Et l'enregistrement était quand même masterisé, mixé par Mike Bales, bien connu pour avoir enregistré Mastodon, Isis et Minus the Bear. On va écouter un extrait de ce premier album qui s'appelle leur premier album s'appelait New Distances. Et le nouvel album là sort sur Deathwish, le label de Converge. Il est fortement entendu, il dure 27 minutes, ça a l'air d'une grosse balle post-hardcore comme je les aime. On écoute tout de suite un extrait de cet album qui s'appelle Painted, Narrows, dans le secret du son d'Abba. find a way to count it out. Teeth and gain wisdom. Stop if you counting. If you counting. If you counting. If you broke bread, stuck pins in them. I lost teeth and gain wisdom. Stop if you counting. If you counting. If you counting. If you stop if you counting. If you counting. If you counting. If you if you counting. If you if you counting. If you a broke bread, stuck pins in them. If you a broke. Find a way to count it out. Breton à l'instant dans le secret du son d'Abba avec le P Blanket Rule avec le morceau The Well, le pur tube électropop de l'hiver 2011-2012, voilà, un EP en téléchargement libre sur leur page Facebook. Que dire, que ils ont fait un petit tabac au Transmusical de Rennes, mais ces morceaux-là n'étaient pas encore dans le jus. Mais là, ils ont sorti depuis cet EP, là vraiment, il y a du tube. Et l'album sort chez Fat Cat Records fin mars, début avril. L'album s'appellera Other People Problems. Voilà, c'est un quintet basé à Londres, voilà, qui soi-disant expérimente. Bon, voilà, vous avez bien vu les influences, hein, un peu dubstep, un peu électropop classique, mais c'est quand même hyper bien senti. Mais hyper bien senti, tous les morceaux sont comme ça. Les deux premiers EP sortis avant, dont un EP de remix avant celui-ci, étaient pas mal, mais celui-là, c'est vraiment la gamme au-dessus. Et bon, en plus, en téléchargement libre. Ouais, je peux que vous conseiller de vous jeter sur cet incroyable tube The Well qu'on n'a pas fini d'entendre, et j'espère que tout l'album qui sort au fin mars est du même acabit, et je pense qu'on va entendre parler. Ils l'ont enregistré dans les studios de Sigur Rós en Islande, avec, il semble-t-il, dans les interviews que j'ai pu lire, beaucoup d'apports des icônes de Sigur Rós, et bon, je pense que ça peut le faire. On poursuit avec un petit coup de projecteur sur l'excellent blog émission de radio Massala qui émet maintenant depuis quelques années sur la radio universitaire de Montréal, ICM, et qui tient un blog vraiment génial que j'écoute moi régulièrement. Avec les collègues de Orléans, Choucou Technique, pour toutes les découvertes un peu Global Sound, etc. On est particulièrement accro et ils sont un petit net label qui s'appelle Massala Sim Records, tout simplement. Ils ont sorti des premiers EP digital, on va dire, en 2010-2011. Moi, j'ai retenu deux beaux projets. Un qui s'appelle Décalé Balani, qui est une compilation de Balani. Alors, Balani, c'est quoi ? C'est de la musique électronique malienne qui, depuis 2006, là, menée par un bon petit gars, DJ Sénateur, là, au Mali, qui envoie le steak à Bamako. Et il a été repéré, là, par toute l'équipe de Massala en voyage là-bas. Et il y a aussi le DJ Mo qui est dans le coup, qui est un peu des protégés de Madou et Mariam. Et n'empêche, on va écouter un extrait de cette petite EP compilation qui vient en soutien dans une démarche de développement musical et de soutien aux groupes locaux. Voilà, qui s'appelle tout simplement, il faut que je retrouve le nom du projet fondateur, projet Danbe, voilà, au Mali. On écoute Nawa Doumbia avec le morceau Lelale, donc c'est un morceau un peu griot, etc., qui a été remixé par Diaki, voilà, qui vient du Mali, vraiment c'est très chouette remix. Nawa Doumbia, Lelale, dans le secret du son d'abat. toujours sur le digital label Masala Sim Records. On écoute Northern Cree avec le morceau Red Skin Girl. Énorme tuerie ce Northern Cree. Hein. Ouais. Énorme tuerie. Avec un remix terrible aussi de A Tribe Called Red. Tout ça, ça vient de Montréal, c'est chaud bouillant. Donc apparemment, tu disais A Tribe Called Red, c'est les remixeurs du moment. Voilà, ils sont en train de remixer toutes les nouvelles prods de Mad Descent, du nouveau Poirier chez... je vais manger le label, on va en reparler dans une prochaine émission, voilà. C'est la grosse balle, c'est les... c'est la grosse balle de Montréal, donc en lien avec cet excellent blog et émission de radio qu'on rend hommage ce soir, parce qu'il n'y a pas de raison, menée par le multiglobe Max Le Daron, parmi les figures de la... Blogueur number one. Ouais, number one, enfin, vraiment DJ assez terrible, semble-t-il, qui parcourt le monde et qui est le nouveau nom, en tout cas, de la scène globale. Planétaire. Allez, on y va, on poursuit et on quitte Montréal et on retourne au hip-hop, on retourne à Brooklyn, Mr. Melon. Voilà, on va faire un petit comeback sur Brooklyn avec Pharoah et Munch, qui n'est pas un nouveau venu, loin s'en faut, de plus d'une dizaine d'années que ce nom circule, une quinzaine d'années que ce nom circule. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'albums, il y a trois albums recensés à ma connaissance, mille excuses aux puristes qui en ont peut-être référencé plus, mais c'est surtout une palanquée de featuring et de collaboration avec des noms vraiment que tout le monde connaît, de Mos Def à Antipop Consortium en passant par M.O.P. et Sir Menelik notamment, et en grande partie de sa première partie de carrière sur Rawkus, et puis désormais chez Duck Down. C'est Duck Down qui sort ce We Are Renegade, album donc de Pharoah et Munch, sorti tout récemment, la courant 2011, est vraiment un des tout meilleurs disques de l'année 2011 en hip-hop, du moins pour ce que j'ai pu en entendre, évidemment. C'est vrai qu'on était un peu resté scotché sur les productions moelleuses et classieuses d'Apollo Brown, mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence, et Pharoah et Munch est là pour nous rappeler que voilà, il est dans la place avec une production tout aussi chargée d'émotions, de chaleur, de vibrations soul, mais il y a aussi du funk, de la pop, du rock, à l'image du featuring de Vernon Red de Living Color sur un des morceaux tout à fait détonnant, et on va pas s'écouter celui-ci, on va s'écouter le morceau Black Inside, qui est un de mes morceaux préférés de ces derniers mois, et voilà. Pharoah & Munch dans Secret du Son d'Abbas, c'est presque un honneur de passer vraiment un tel MC. Un grand moment. Great Pharoah & Munch, y'all. Yes, sir. What up, P? Great Styles, be the ghost. 1, 2. I say, open the door, let me in. Yeah. Teach us all, preach us in. Turn the cheek, let it slide. Give me five on the black hand side. The black hand side. That's it. Oh, oh, oh. Oh, yeah. Black hand side. Black hand side. Oh, oh, oh. The black hand side. Give me five on the black hand side. Five, tell you what I see through the black man's eyes. Look, fly chick in the Cadillac, a black man ride. But every different day, a different black man die. Shorty mama tripping off a crack mad high. You know. Now he watching TV, loving the bad guy. You know. Piss poor with a welfare check. He know he African, cause he ain't get help there yet. No help. Now he put down his knapsack. Got a crack pack. You don't overstand if your vision ain't abstract. We in the projects, a lot of us is lab rats. Voted for Obama, hoping he wouldn't have that. Now I can tell you that I felt hell. I felt it. I still remember how a cell smells. I still remember how the pigs act. Bambi crying up on the VI, couldn't dig that. Open the door and teach your soul. Pass the blunt around, hoping that it reach your soul. Now give me five on the black give hand five, side. Brother. Ghosts and Pharoah & Munch, watch the black man rise. Say, yep. Open the door, let me in. Teach your soul, preach your sins. Turn the cheek, let it slide. Give me five on the black hand side. The black hand side. Black hand side, black hand side. Oh, give me five Navajo chief, the way you're making it rain. But never for a stripper with emotional pain. Do it despite the system, nourishment for the brain. Cause rain, seed plus soil, you eat the fruits and grains. My hood told me, nigga, keep it simple and plain. So let me explain the game, break it down a couple of levels like Tetris. These youngins kill their own blood for a necklace. Leave slumped over the wheel of your Lexus. Smoke kush, wake up and eat breakfast. Like, what the fuck you expect? A generation overly obsessed with mobsters. Our revolutionaries want Grammys and Oscars. Impossible, fake auras and weak chakras. Making a mockery of the music to be pop stars. And they say I'm insane. Cause I see the remains of the whips and the chains. In my hood where it ain't all good. Peep the pain of a single mother, she's struggling. Young child slain, give me five on the black hand side. Let's maintain like the soul train. And keep it moving together, I'm saying. Say, open the door, let me in. Teach us all, preach us in. Turn the cheek, let it slide. Give me five on the black hand side. The black hand side. Styles five, rough, in five. Uh-huh. Foul mindset. Five, rough, in five. Yeah. Uh-huh. Give me five, rough, in five. Federal, state, and city appropriate money for prisons based off the number of students they fail. Please, to marry that widow that has my name but not my face after laying down with me for 19 years for 19 years, but he set me free and he gave me land so that I might understand that I could perhaps be something more than what I was before. 67 acres of land right there along the Red River south of town, and I worked that land and saved every penny so I could start to buy back my children, my babies, who were taken from me and sold like cattle. I bought my crippled child first. In 4 years I saved enough. I walked 120 miles and bought the freedom of my second daughter and my grandbaby. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Coin, coin, my second daughter. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. Coin, coin, I bought back all my children that I could find. And then we just kept buying. Cousins, mothers, brothers, uncles, aunts, daddies, mothers, cousins, mothers, brothers, cousins, aunts, mothers, daddy. And we kept buying. They'd be seen as slaves, but at least they'd be with us. And we worked that land, and we survived, and we prospered. We built our own big church where white folk had to sit in the back, and we prospered. I now own 12,000 acres of land, from 67 acres to 12,000 acres of land. My family has become the wealthiest set of color this side of the river they call Cain. All because I hustled to survive so that others may strive to be something more than me. All because I hustled to survive so that others could strive to be something more than me. I am quack, quack, quack, quack, quack, quack. I am coin, coin. I am Matana, I am Matana. I am quack, quack, quack, quack, quack, quack. Coin, coin. I am Matana, I am Matana. I am quack, quack, quack, quack, quack, quack. Coin, coin. I am Matana, I am Matana. Matana Roberts, dans Le Secret du Son d'Abba, une petite tranche de jazz, on s'en fait de temps en temps, à dose homéopathique, néanmoins savoureuse, avec ce AM, I am Matana, I am Coin Coin. Alors, c'est le premier album de Matana Roberts sur le label Constellation à Montréal. C'est pour autant, c'est une américaine qui est née à Chicago, qui vit manifestement du côté de New York ces temps-ci, mais enfin qui voyage, on l'imagine. Coin Coin, c'est en référence à manifestement une de ses ancêtres, qui a vécu en Louisiane, dans la période. La période sombre de l'esclavage en Louisiane, à la fin des années 1780, au moment où l'émancipation commençait tout juste à émerger dans les têtes et dans les esprits, et bientôt dans les faits. C'est donc un de ces albums empreint de cet esprit I'm black and I'm proud, tu vois, qui a souvent donné le meilleur, hein, qui a donné le meilleur dans la culture afro-américaine. Mm. On va pas, et dans les courants jazz des disques importants, ouais. qui se sont faits à l'aune de cet état d'esprit. Donc ce jazz, il est à la fois bruyant, caressant, dissonant, feutré, un petit peu. C'est pour ça que j'avais choisi ce morceau qui balaie un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans ce disque par différentes phases. On passe par différentes impressions, par différents états d'esprit. Plusieurs atmosphères. Je trouve ça vraiment très fort. Au départ, je suis resté un petit peu à l'extérieur. Et puis, bon, comme beaucoup de disques, il faut y revenir et y revenir pas qu'une fois pour vraiment finir par en être complètement imprégné. Et elle joue dans l'Ouest, hein. Alors, elle joue ce début de printemps, le 24 mars, au Vauban, à l'initiative de Penard Jazz, bien évidemment. Donc, semble-t-il, une seule date dans l'Ouest, donc voilà. Pas louper. C'était donc l'album Coin Coin Chapter 1, qu'on appelle d'autres gens de couleur libre. Donc sur Constellation, sur Constellation. 2011. Voilà. D'accord. Enregistré live, évidemment, comme beaucoup de disques jazz enregistrés live à l'été 2010 à Montréal. On reste dans la musique improvisée et sous une autre forme, parce que là on va parler de Earth avec. Cette deuxième partie de cet album, Angelos Angels of Darkness, Demons of Light. Donc deuxième partie qui avait été annoncée dès la sortie de la première partie, sortie l'an dernier chez Southern Lord en 2011. Début 2012, donc on a le deuxième tome, un deuxième volume de après un album studio enregistré très écrit. Il y a cette deuxième partie qui est, semble-t-il, qui a été improvisée par Dylan Carlson, figure de la scène Drone Doom au début des années 90, avec cette incarnation qui a été Earth jusqu'à sa descente en enfer, et puis son retour en 2005 dans des textures, on va dire, beaucoup plus folk, beaucoup plus blues, voire psychédélique. Et là, Angels of Darkness, Demons of Light 1, c'est vrai qu'il était bien, mais il manquait un truc qu'on avait vraiment adoré sur les, que sur les précédents. Je le trouvais presque trop arrangé, en fait. Ouais. Et ben voilà, la magie réopère, on va dire, enfin en tout cas pour moi, sur ce deuxième tome. Vraiment, je trouve très très beau. On va écouter un extrait qui s'appelle Is This All Bradley Chine. Donc c'est toujours aussi sorti chez Southern Lord, donc c'est assez facile à trouver. Nous, on avait eu les chances de les revoir, parce que moi j'avais vu déjà 2-3 fois, c'était au Roadburn l'an dernier, c'était vraiment un très beau concert dans l'après-midi, là, bien tamisé, et là aussi sous des airs de folk un peu dénaturé, etc. Bah évidemment, on sent bien qu'il y a bien quelque chose qui se passe un peu plus trouble, et c'est toute la force de Earth dans ces années 2000, et d'avoir complètement su faire évoluer le projet tout en travaillant sur la répétition, tout en travaillant sur des atmosphères très particulières, empreintes de psychédélisme, mais pas que. Et voilà, c'est pour ça que je crois que ce projet continue à me toucher. On écoute ça dans Le Secret du Son d'Abba, Earth. Thank you. Only Clays, dans le secret du son là-bas, le duo français qui avait surpris son monde avec cet EP autoproduit sorti courant 2011, un EP qui s'appelle We Could Be Quiet, et vraiment un EP vraiment très très classe qui réunit donc Basile Ferio, le batteur de Xenobis, génial batteur, hein, vraiment c'est pour ceux qui l'ont vu en concert ou même sur l'album, là, même si sur ce morceau-là il est plutôt un poil en retrait. C'est vraiment un génial batteur, très inspiré. Et on retrouve aussi Julien Bentillon, guitariste qui crée ses propres instruments, guitare et pédale d'effet. Voilà, on est sur des atmosphères, on est resté sur le blues, on est resté sur le folk qu'on a entendu précédemment dans Earth, mais là dans une approche plus post-rock, mat-rock, et vraiment il y a des atmosphères qui font aussi penser sur ces titres à Cheval de Frise ou à Tortoise, voilà, que des beaux noms. En tout cas pour un très beau projet qui passe dans l'Ouest en cette fin février 2012 à Rennes, ça sera le samedi 25 et ça sera Poitiers le jeudi 23 février. Voilà, donc pour ceux qui auront l'occasion d'écouter cette émission pile poil à l'heure et se déplacer, ne les loupez surtout pas en concert, il paraît que c'est juste terrible. On poursuit avec l'ami Fénez. On va rester dans l'atmosphère un petit peu comme ça, un peu feutré, presque langoureuse. Fénès avec son EP Seven Stars, j'étais en train de penser qu'on avait vraiment énormément de retard, on n'a jamais que 6 mois, sorti au milieu d'année 2011, toujours ces écumes, cette brise, ces débris mélodiques, c'est vraiment le spécialiste des cartes postales un peu sépia, tu vois le côté un peu écorné, un peu déchiré, il manque à moitié la moitié des visages, on essaie de se souvenir un petit peu, c'est un peu le goût les de... Les souvenirs s'effacent quand même. Voilà, le goût de la mémoire un peu parcellaire comme ça, des souvenirs érodés, c'est tout à fait l'esprit de ce très joli EP qui s'appelle Seven Stars, sorti évidemment chez Touch, c'est une de ses principales écuries Touch au Royaume-Uni, et donc on s'écoute le morceau July, Fénès dans le secret du son là-bas. Tom Hall dans Le Secret du Son d'Abba. On est resté dans cette école, je dirais, dont un des professeurs, c'est évidemment Christian Fénès, qu'on écoutait juste avant. Tom Hall, c'est un garçon que je connais pas très bien, mais on imagine qu'il a été nourri à la pop bruitiste, façon My Bloody et compagnie, au shoegaze, à la mélancolique cosmique, et avec des listes de chevet qu'on imagine puiser chez Mego, chez Touch, chez Alienate, avec des gens comme One Not Rick Spawn Never, T-Maker ou Fénès qu'on écoutait juste avant. Donc c'est vraiment un très très bel album, triste et scintillant, profond et vivant. En tape. Uniquement disponible en cassette. Ah, ça, c'est tout le charme. Tout le charme et le charme introuvable. à la fois désespérant mais et attachant de cette micro-scène ambiante, expérimentale, new age. Ça concerne la scène hardcore, punk aussi. C'est vraiment, en tout cas, pour ce qui est de cette musique-là, on a vraiment l'impression que c'est foisonnant. Alors tu me dis qu'aussi, du côté de la musique hardcore. En tout cas, voilà, le label, pour ceux qui voudraient retrouver ça, ça s'appelle Complicated Dance Tapes. C'est l'album Muted Angels. Les morceaux qu'on a écoutés s'appellent Before Being. À noter qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Il a publié quelques disques auparavant. J'ai eu l'occasion d'écouter un album de 2010 s'appelle Past, Present, Below, qui est sorti en album digital sur Overlap, donc qui est peut-être plus facile à trouver. En tout cas, voilà, un album moi que j'ai vraiment trouvé vraiment très très touchant et qui m'a énormément plu. On va se quitter avec une petite dinguerie. Une petite dinguerie, un doudingue qui fête ses plus de 30 ans de carrière, Guedalia Tarzartes, dont un coffret de 4 vinyles, 4 vinyles 12 pouces, un vinyle 10 pouces, un DVD qui s'appelle Works 77-79, qui vient de sortir sur Vinyl On Demand, qui résume ses premiers albums entre 77 et 79. Donc voilà, on va s'écouter un album plus récent, mais qui restait dans le même esprit, un petit peu dada. C'est le roi du bricolage, le roi de l'improvisation, pas du tout un théoricien. C'est un parisien pur jus, avec quand même des d'après ce que j'ai compris des racines de la communauté juive turque. Donc une personnalité riche, vieux compagnon de route des stars underground façon Jacques Bérocal, avec qui vient de signer un disque sur Sub Rosa qui s'appelle Super Disque, justement, en compagnie aussi d'un français qui s'appelle David Fenech. Tous les trois, ils avaient joué il y a quelques temps à Brest, c'était vraiment génial. Donc voilà, vous allez l'écouter, c'est du bricolage qui tient tout autant de l'expression primitive, des rites chamaniques indiens complètement imaginaires, du collage de bandes façon indus primitif, là aussi, c'est vraiment avec des synthés de vide-grenier, tu vois, cet esprit complètement étonnant et déglingo que moi j'aime bien. On va s'écouter une tranche donc de cet album qui s'appelle Repas Froid, qui était sorti chez Tanz Process en 2009 et qui vient de reparaître chez Pan en Allemagne en 2011 en vinyle. Et on va se le faire justement sur Galène Noire. Salut Grigoula. Bonsoir Monsieur Malon, merci David. A bientôt, ciao ciao. Un autre homme, un autre style. Bonne la mort. Elle, nous tous. Oh, je suis un guignol. Il y a qu'autre chose que je pourrais vous dire sauf le respect que je dois à ma sœur. On aurait très bien pu la mettre comme elle était, cette robe. Une fois. Même en plus le vert, vous êtes chic. Ni me hau, ni me slain. Nimmersling das Ochal, eines Tufal, der riecht an alles aufreimet, an der Ochal, um Friedes zu leiden, oh mein Lei, stoden, oh mein Lei, stoden, allo.